tu aurais eu le temps et l'occasion de modifier ton caractère et de faire de bonnes études. Je crains que tu n'aies tenté ni l'un ni l'autre. Rappelle-toi que si tu as refusé, c'est sur moi qu'en retombera la honte, beaucoup plus que sur toi, ce qui ne serait pas tout à fait juste. » Pour ôter à son discours un peu de sa sévérité réelle, Madame Brice embrassa tendrement son petit-fils. Edme se retira dans sa chambre, où il passa une nuit détestable. Odile avait eu bien envie d'aller l'y retrouver et de lui porter quelques bonnes paroles, mais Richard la retint en causant jusqu'au moment où elle supposa que leur fils était endormi, et elle ne voulut pas courir le risque de l'éveiller si par hasard il dormait d'un bon sommeil. Ainsi préparé et sermonné, Edme se présenta à l'examen écrit. Le problème qu'il eut à résoudre s'embrouilla dans sa tête avec un autre qu'il avait travaillé seul. Il les confondit tous les deux, s'en aperçut trop tard, ce qui acheva de lui faire perdre la tête, et fut refusé. Odile, très anxieuse, attendait leur tour. Au visage de Richard, elle connut la vérité, et toute demande mourut sur ses lèvres. « Il est refusé, » dit Richard. « Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'il l'a fait exprès. »« Mon père, » fit Edme, « je te jure !» Richard lui imposa silence du geste. « Vous l'avez fait exprès ? » répéta-t-il avec autorité. « Cela ne me surprend pas, vous l'aviez annoncé. »« Moi ? » fit le malheureux garçon en pâlissant. « Vous, le jour où je vous menaçais de la discipline de Saint-Cyr, vous ne l'avez pas oublié, je pense. C'est le digne couronnement d'une éducation manquée. Vous pourrez vous dire, si vous êtes malheureux, que vous l'avez voulu. » Edme sentait ses jambes trembler sous lui. Que n'eût-il pas dit s'il avait pu exprimer ce qu'il sentait ? Mais outre la difficulté qu'il avait toujours éprouvée à révéler son être intérieur, le reproche injuste qui l'accablait ordonnait ce silence à son orgueil. Il souffrait dans tout ce qu'il avait en lui de meilleur, et il sentait que tout mot sorti de sa bouche en de telles circonstances serait considéré comme une manifestation de ses mauvaises qualités. Il se dirigea vers la porte, le regard troublé, la tête creuse, titubant presque, en proie à la pire souffrance physique et morale dont il eût jamais eu conscience. « Edme, lui dit sa grand-mère d'un ton de reproche, je ne m'attendais pas à cela de toi. Tu sais ce que je t'avais dit. » Il inclina la tête et sortit muet. Quand la porte fut refermée, les parents gardèrent un instant le silence. Madame Brice pleurait. Richard tirait sur ses favoris d'un air sombre. Odile promenait ses yeux de l'un à l'autre. Tout à coup, elle parla. « Vous avez été horriblement cruel, » leur dit-elle de sa voix douce. Tous deux tressaillirent. Richard allait répliquer. Elle prit les devants. « Horriblement cruel et horriblement injuste, » continua-t-elle. Vous blessez son cœur d'une incurable blessure. Vous courez le risque d'en faire un homme mauvais, aigri. Vous avez outrepassé vos droits. » Elle était calme au point que son extérieur excluait la possibilité d'une querelle, si belliqueuse que fussent ses paroles. Sa belle-mère et son mari la regardaient, l'une stupéfaite, l'autre indignée. « C'est vous, Odile, qui parlez ainsi ?» dit Richard. « Oui, mon mari, c'est moi. Comme chef de famille, vous avez le droit et le devoir de réprimander votre fils. Comme père, vous ne deviez pas lui dire qu'il avait fait exprès de manquer, même si c'était vrai, et ce n'est pas vrai. » Madame Brice écoutait Odile avec une sorte d'amère componction. Après le premier mouvement d'humeur qu'il avait entraîné à appuyer le dire de son fils, elle sentait que sa bru avait raison. Le caractère d'Edme était rétif, ombrageux, difficile, mais il n'avait jamais été accusé de duplicité ni de calcul. Elle se repentait maintenant d'avoir été si dure. « Je vais le voir dans sa chambre, » dit-elle en se levant. Richard l'arrêta d'un geste bref. « Je vous prie, ma mère, de n'en rien faire. Mon fils a besoin d'une grande et sérieuse leçon, je me charge de la lui donner. Il gardera les arrêts jusqu'à ce que je l'élève, et moi seul aurai de communication avec lui jusque-là. » En d'autres temps, Madame Brice eût protesté avec énergie et probablement enfreint cet ordre. Mais l'âge et son état de santé lui avaient ôté beaucoup de son courage actif. Après avoir adressé à son fils quelques paroles pour l'engager à l'indulgence, elle rentra chez elle afin d'y pleurer tout à son aise. Richard et Odile restèrent seuls ensemble, elle, pâle mais résolue, lui, très irrité, retournant dans son esprit une grosse colère qu'il ne savait trop comment exprimer. « Odile, » dit-il enfin, Voilà la première fois depuis notre mariage que je vous trouve en opposition ouverte avec moi, et je m'étonne que ce soit au sujet de mon fils. » Elle le regarda en face, sans bravade, mais sans frayeur, et dans ses yeux tristes, Richard vit qu'il ne la réduirait pas facilement. « C'est la première fois, répondit-elle, que je vous vois commettre une faute. »« Une faute ? » répéta Richard, dont les lèvres blanchirent. « Oui, mon mari, une faute envers votre fils, que votre devoir est de punir s'il fait mal, mais non d'accabler quand il est innocent. »« Innocent ! » fit Richard avec un rire amer. « Innocent aujourd'hui, j'en fais serment pour lui. Vous devriez le consoler et vous l'écraser. »« Alors je ne connais plus mes devoirs de père. » « Vous les méconnaissez en ce moment. Et c'est vous qui prétendez me les apprendre. » Odile rougit faiblement. « Je ne suis pas sa mère, » dit-elle d'une voix altérée, « mais je suis pour lui comme si je l'étais. J'ai fait mon devoir de mère autrefois, je le ferai encore aujourd'hui, même si ce devoir doit nous mettre en opposition. » « C'est-à-dire, » s'écria Richard avec fureur, « que vous l'avez gâté par votre faiblesse, faussé par votre indulgence. En vérité, ce n'était pas la peine de le soustraire à l'influence de ma mère pour le faire tomber sous la vôtre. À vous deux, vous l'avez fait ce qu'il est, et maintenant, toutes les deux, vous vous entendez contre moi. » Odile était restée debout, les mains frémissantes, la tête haute et les yeux baissés. « Eh bien ? » fit Richard, qui aurait eu besoin d'une réplique pour aviver sa colère. « Vous ne le connaissez pas ? » dit sa femme en faisant appel à toute son énergie pour rester calme. Sous sa nature indisciplinée, véhémente, il en cache une autre, tendre et impressionnable comme celle d'une femme, et celle-là souffre, Richard. Entendez-vous ? Il souffre, je le sens, moi, avec mon cœur de mère. Oui, Richard, vous pouvez sourire. Mes entrailles n'ont point porté d'enfant, mais mon cœur est en lui, votre fils, parce qu'il est en vous, mon mari. Je vous dis qu'il ne faut pas pousser à bout ces natures promptes et passionnées. Laissez-moi aller vers lui, Richard. Je vous dis qu'il se déchire le cœur et que je veux le voir. Je ne veux pas qu'il souffre. Il l'a mérité, fit Richard, plus ému qu'il ne voulait le laisser paraître. Qu'il souffre injustement et qu'il vous maudisse, acheva Modile. Cette dernière phrase ralluma la colère de Brice. Qu'il souffre injustement en vérité et qu'il me maudisse. Vous réservez votre indulgence pour ceux qui me maudissent. En voilà assez, Odile. Vous ne le verrez point, je vous le défends. » Il sortit là-dessus, laissant l'âme d'Odile douloureusement combattue. Elle demeura un instant immobile, se demandant ce qu'elle allait faire. Sans doute elle devait obéir à son mari, et pourtant, un irrésistible mouvement la poussait vers le fils puni. Elle essaya de se distraire, prit un livre, l'ouvrit et le rejeta, ne pouvant songer à autre chose. Il lui semblait que de cette chambre dont l'entrée lui était interdite sortait un grand cri d'appel, un long gémissement vers elle. « ma mère !» disait la voix suppliante. « Vous m'avez aimé, je vous aime, oh ma mère !» Elle fit deux ou trois pas, cherchant à fuir l'obsession, puis soudain, n'y pouvant tenir, elle alla droit à la chambre du jeune homme et tourna le bouton très doucement, sans bruit. La porte résista. Au lieu d'insister, elle fit légèrement le tour par un corridor et passa par le cabinet de toilette. La clé était tournée aussi. Elle prit peur et courut chercher Jaffé. Edme, entré dans sa chambre d'un pas automatique, s'était enfermé instinctivement pour n'être pas troublé dans son angoisse, puis s'était assis devant son bureau. Ses livres, ses cahiers couverts de chiffres attestaient le travail des derniers jours. « Exprès ! Oh mon Dieu ! » dit-il à voix basse. « Exprès ! Il le croit ! Je suis déshonoré !» Il resta quelque temps écrasé sous ce mot, ne pensant pas, n'essayant même pas de rattacher par un lien logique les fragments d'idées qui voltaient dans son cerveau avec une allure lourde d'oiseau de nuit. « Et ma mère Odile le croit aussi ?» pensa-t-il soudain. « Elle n'a rien dit, elle me regardait. Qu'est-ce qu'elle pensait ?» Il essayait vainement de se rappeler l'expression des yeux d'Odile. Sa mémoire refusait de le servir. « Elle doit penser comme mon père, » se dit-il enfin. « Elle l'aime tant, elle le respecte, elle le croit toujours. Et pourtant, mon père, Dieu sait que cette fois, vous n'avez pas raison. » L'amertume de l'accusation était si grande qu'il sentait un goût de fiel dans sa bouche. Un dégoût de toute chose l'envahissait jusqu'à la nausée. « Une carrière brisée, » se dit-il. « Je ne serai jamais bon à rien, et personne ne m'aime plus. Faut-il que mon père me méprise pour m'avoir traité ainsi? Je suis déshonoré. » Il trouvait une volupté d'agonie à répéter ce mot, à le laisser tomber sur lui comme une massue. Le garçon d'autrefois qui s'était enfermé dans sa chambre et qui était resté sans manger vivait encore dans l'Edme d'aujourd'hui, mais avec une autre force, d'autres souhaits, avec une âpreté sombre que l'enfant n'avait pas connue, avec un dégoût de la vie que la 20e année professe souvent, parce qu'elle ne connaît pas le prix de l'existence. « Déshonoré, » pensait Edme, « il y en a qui vivent avec cela, moi je ne pourrais pas. » Il songea soudain à Odile, à sa maladie, aux baisers qu'ils avaient faits mère et fils, et il eut une soif immense de ses caresses. « Oh, ma mère, » s'écria-t-il, en voyant toute son âme vers elle. « Vous m'avez aimé, je vous aime. Oh, ma mère Odile, pourrais-je vivre sans votre tendresse, avec votre mépris? Puisque mes paroles sont vaines, un acte vous convaincra peut-être. Ma mère Odile, quand je serai mort, vous me croirez, vous me pleurerez. » Il ouvrit un tiroir de son bureau et y prit le revolver qu'il accompagnait dans ses courses solitaires au pignon. Il ôta les capsules, fit jouer l'arme élégante et précise, la rechargea et la posa près de lui. Puis il prit du papier et écrivit « Ma mère Odile, depuis que vous m'avez sauvé la vie, je vous ai aimé entièrement et sans réserve. Vous direz à mon père que ce n'est pas exprès que j'ai manqué mon examen et il vous croira. Moi, il refuse de me croire. Je ne lui ai pourtant jamais menti, mais le coup était très dur pour lui et je comprends qu'il en ait été irrité. Je meurs sans regret, ma chère Odile, parce que vous ne me mépriserez plus quand je serai mort. » Il s'arrêta là et laissa tomber sa tête dans ses mains en pleurant. Quel est l'être jeune, vaincu par le sort, qui, au moment de sauter la vie, n'a pas pleuré sur lui-même? La fille de Jephté alla pleurer sur la montagne avec les amis de sa jeunesse. Les tristes de l'existence moderne pleurent seuls, sans poésie, dans la chambre où le destin les a poussés. Mais ces larmes sont les mêmes que dans les montagnes de Juda. C'est toujours la même douleur jeune et pleine de sève qui se fait jour entre les doigts, comme les larmes de la résine entre l'écorce du sapin blessé. Quand il sentit ses larmes taries, il releva la tête, relut ce qu'il avait écrit, ajouta d'une écriture hâtive et enfantine « J'embrasse ma grand-mère et ma sœur Evelyne », puis signa bravement son nom, Edme Brice, avec un grand paraphe. Au lieu de cacheter sa lettre, il la laissa sur son bureau et prit son revolver dans la main droite. Au moment de le tourner sur lui-même, il se pencha sur le papier et mit un baiser à côté de la signature, puis d'un pas ferme, il alla jusqu'à son lit, s'assit au bord et posa le canon de l'arme sur sa tempe. Une clé joua dans la serrure du cabinet de toilette, mais il ne l'entendit pas. Il pensait à des choses si hautes qu'elles en devenaient très douces. L'égoïsme de ses 20 ans lui cachait l'horreur de son action vis-à-vis des siens. Il ne voyait qu'une chose, il quittait une vie difficile pour entrer. Où, dans quoi, il n'en savait rien. Les idées philosophiques d'un candidat refusé qui veut mourir ne sauraient être très nettes. Il avait une vague impression qu'il allait retrouver sa vraie mère. « Elle ne sera pas jalouse de ma mère Odile », fut la dernière idée franche qui traversa son cerveau. En un même moment, il vit Odile devant lui et sentit qu'elle lui arrachait son arme. Le coup partit et la balle s'enfonça dans le pied massif du bureau. « Vous n'avez pas honte ?» lui cria Jaffé en le secouant par le collet. Il sentit qu'Odile le prenait dans ses bras et l'embrassait. Il revenait de si loin, l'impression était si douce qu'il ne put la supporter, il perdit connaissance. « Il ne se serait pas tué déjà, madame ?» demanda Jaffé avec des yeux qui lui sortaient de la tête. « Non, » répondit Odile, « il n'est qu'évanoui. »« Oh, bien, nous allons le frotter, » répliqua le domestique en se mettant à l'œuvre. Richard Brice entrait hagard, appelé par le bruit. « Je vous ai désobéi, » lui dit simplement sa femme en lui remettant l'arme. « Vous voyez bien qu'il ne l'avait pas fait exprès. »« Allez, Richard, votre fils est un noble garçon, mais son cœur est malade, et c'est cela qu'il faudra guérir. »